Salut bande de nazes. Ça je peux plus pas dire. Ah putain, la top. Qui se trémousse, le son une main maternelle évidente séchant les larmes de nos frimousses. Mode wasback, tu pas fier, mais celle s'accroche dans les rouages. Sortant des rivières, raclant des crampons, crada à l'abordage. Déguste à verre sur deux, mais qui s'en craignant, jugement de Dieu. À quatre pattes, la vie, je crapote mes douces en cinq ans. La croûte terrestre craque, les mondes s'écartent, cyclique, sismique, cystite, le liquide coule et tout capote. La carotte, c'est la crise, pour le taf, les mecs méprisent. Pendant qu'au coin du feu raillant, les zombies tranquilles, je tease. Soudain, tout s'électrise dans le mille du viseur, dans un éclair, je pige. Foutre la vie dans mon mixeur, la solution éclectique, tous les savoirs s'imbriquent. Anti-spécialiste, je m'affiche quand mon arc rythmique s'esclave. Le salariat, un mythe, ta femme pour une belle tombe. À la va-vite, au crayon trace, une vie, la mythe s'effondre. Je guette à la quête de l'inconnu, souvent à poil, je remue. Ciel et terre, comment assertir quand j'avoue à verre. Buscando como el solo a toute la verte à traer. Pas sûr de la traduction, je demande aux frères. Hoy como HR, mañana como hoy. Boycotté à LR. Comme la brisa que la sangre a détenido. Impression dépressive, flacide, pastiche, parfois me détestant. Pastiche, tout au kiff, la vie me trompe en s'esclavant. Je réitère mes erreurs, esclave les mots dans les labours. Avec ma bête dans un cimetière, je t'enterre à demi-mort. Mes humeurs et ceux d'humour dans mes calembours crades. Nouvelle trouvaille dans mon panier, t'es une limace sur ma salade. T'ose trop et pense sale, comme on se tient mal à table. Je me cache les yeux quand les volailles me collent au bas. Trop pour pas le friseur, je vois des vagues au cher fracas. Je gère, j'ai ma charrière provocateur, craquage articulaire. Trou de mémoire en peignoir, trop de recours aux vapeurs. Vite islure, mes écrits s'effacent, Alzheimer. Rime au toaster, la tartine sort, je te renvoie à l'ascenseur. Dédaignant le bon sens, j'oublie mon cancer. Je rêve de concret, proposant une thèse, le règne du vrai. Tout à l'instinct dans mon diocèse, mais Dieu seul sait. En cravate et comptable, trésorier dans fil sous pli postal. Moi plus toi, ça fait souvent un compte trop à table. J'suis pas imposable, humus compostable. Comme une terre arabe blanche, j'en gère parfois mes compostables. Gentil tribun, menteur arracheur de dents. Tu ne souffriras pas mon ami. Regarde l'écran, c'est la totale. Je risque le spasme abdominal. Abominable homme de pègre, fils de pute ancestral. J'dis un coup sec, la plaie saigne, ambiance cul-de-sac. Les gonzesses d'autrui détruisent plus d'un pote. Sache que les gros durs font les warriors. Vulgaire qu'adore, mais en privé, fais-moi des bisous chérie, je t'adore. Farid coule fer en cristal devant la foule. Aristocrate, pétrale, titre à mon ticket, se fait la malle. Seul dans le crâne, dans mon cartable carapace, je biaisais 53 cartes à table. Les pieds en lit par la racine pourraient sauver ton place. La vie c'est comme mon chantier, plus bas que les fils de terre. Je vais prendre des mesures, je crois que des grosses barbes se perdent. Inspecteur des trajets foutus passant une troisième couche. 45 degrés d'esclavage, t'encule comme un cargo de mouche. Bande de cloporte au stéthoscope en famille, s'entrechoque, croyant au bonheur. Regarde dans le vide, bouffant du rick et rock mal. Au capteur, scalpant sur le beat, mon pas de puissance en balle. Sale caractère, je trébuche sur un cratère en croquant jambes. Aïe, l'OMS recommande, ne pisse pas devant ta porte. Modernité, peu importe, MST par SMS, ta faute. Crachant sur le carton, occultant les bienfaits du vin de messe. Accro du fion, préférant le boulard crade qui claque les fesses. Au royaume des mille et une cuite, j'm'en bats les secs. J'te mets au pli de balles de blanc sec, accepte mon concept. Façon origami en petits morceaux, ton corps se glisse. Slip sale, des traces de pneus cris, mon fou de rose fils. Marre de voir des rappeurs qui sont au sur auto. Tu écoutes donc Carlito leur mettre des high kicks avec sa pluie. C'est ça qui est riche, non mais t'es sérieux? Allez, ciao, bande de nazes! Non, mais c'est à se pisser dessus, quoi!